إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier le premier hadith mentionné par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le premier chapitre de son livre « Les jardins des vertueux » au sujet de la sincérité et de l'intention. Et nous avons vu dans ce hadith que la rétribution de chacun d'entre nous dépend de son intention. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné d'autres hadiths en ce sens et il a dit « وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا » La mère des croyants, Umm Abdillah, Aisha, qu'Allah l'agré, « قالت » Elle a dit « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit « يَغْزُ جَيْشُنِ الْكَعْبَةِ » Une armée ira attaquer la Kaaba. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ Et alors qu'ils se trouveront sur une vaste terre désertique, ils seront tous engloutis du premier au dernier. قَالَتْ يعني عائشة Elle dit alors, c'est-à-dire عائشة قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ Je dis, ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier, alors qu'il y aura parmi eux des gens présents pour commercer, et d'autres qui ne sont pas des leurs ? قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ils seront tous engloutis du premier au dernier, puis ils seront ressuscités en fonction de leurs intentions. Muttafaqun alayhi. Ce hadith est reconnu authentique à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Wa hada lafdhu al-Bukhari. Et ceci est la version d'Al-Bukhari, rahimahullah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un événement futur, qui est qu'une armée tentera d'attaquer la Kaaba. Mais la Kaaba, comme vous le savez, est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est sous la protection de son Seigneur. Et nous avons l'exemple de ce qui s'est produit avant l'islam, lorsqu'une armée venue du Yémen vint à la Mecque avec pour intention de détruire la Kaaba, et qu'Allah envoya sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile, les rendant semblables à de la paille mâchée, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, en surat al-fil. Et cette armée dont il est question dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au moment où ces gens se trouveront sur une vaste terre désertique, ils seront tous engloutis sous terre, sans exception, du premier au dernier, sans distinction entre les gens venus pour attaquer la Kaaba et les autres qui se trouvent parmi eux, pour d'autres intentions, car il est mentionné dans les commentaires de ce hadith que cette armée sera si grande que voyageront avec elle des commerçants, des gens qui ne sont pas là pour combattre, des gens qui sont venus pour vendre ou pour acheter, et d'autres personnes qui les suivront sans savoir où ils se rendent et quels sont leurs projets. Et c'est ceci qui attira l'attention de notre mère, Aisha radiallahu anha. Elle dit alors, « Ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier ?» Alors qu'il y aura parmi eux des gens présents pour commercer. Ils ne sont pas venus pour attaquer la Kaaba, mais ils sont juste venus pour faire du commerce. Et d'autres qui ne sont pas des leurs, qui n'ont pas cette intention. Ils ne savent pas quel est le projet de cette armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, ils seront tous engloutis du premier au dernier, puis ils seront ressuscités en fonction de quoi? En fonction de leurs intentions. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith ici. Car ce hadith nous prouve que chacun aura ce dont il avait l'intention. Et ceci nous confirme le sens du hadith de Omar, radiallahu anhu, que nous avons vu hier. La rétribution de chacun dépend de son intention. Ceux qui avaient pour intention de s'attaquer à la Kaaba seront ressuscités et rétribués en fonction de cela. Et ceux qui ignoraient la raison du déplacement de cette armée, qui était présent pour le commerce ou pour une autre raison, ils seront alors ressuscités et rétribués en fonction de cela. Et ceci nous confirme l'importance de l'intention. Que chacun d'entre nous sera rétribué en fonction de ses intentions pour chacune de ses actions. Donc tu dois toujours avoir dans ton cœur de bonnes intentions et prendre garde à ne pas avoir le mal comme intention, mais à ne vouloir que le bien. Donc ce hadith, il nous confirme ce que l'on a mentionné dans le cours d'hier. C'est pour cela qu'il est dans ce chapitre. Mais il est à souligner ici que ce hadith contient également une leçon immense et une mise en garde contre la fréquentation des gens du mal et des injustes. Car celui qui se joint aux gens du mal, qui se joint aux injustes, celui qui est proche d'eux, qui se mélange à eux, ou qui vit parmi eux, qui vit parmi les injustes, parmi les gens du faux, parmi les adeptes du mal, parmi les adeptes du polythéisme, parmi les adeptes de la mécréance, alors qu'ils sachent que si Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un châtiment sur eux, le châtiment atteindra tous les gens présents sans aucune distinction entre le bon et le mauvais, ni même entre le pieux et le pervers ou entre le croyant et le mécréant. Tous seront touchés par le châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de cela dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes parmi vous. Elle n'atteindra pas seulement les injustes, mais elle atteindra tout le monde, le pieux et le pervers, le bon et le mauvais, le croyant et le mécréant. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Le grand savant du tafsir, l'imam Si'di rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, cette calamité atteindra l'auteur de l'injustice et autre que lui. Et ce car, lorsque l'injustice apparaît et qu'elle n'est pas changée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas blâmée, qu'elle n'est pas réprimandée, alors la sanction de cette injustice atteint son auteur et autre que lui. Voyez le danger de se trouver au milieu des gens injustes, au milieu des gens du faux, au milieu des polythéistes et ainsi de suite. Et quel est le remède à cela? Il nous dit, rahimahullah, et on se préserve de cette calamité en interdisant le blâmable et en retenant les gens du mal et de la corruption, en les empêchant de commettre les péchés et l'injustice autant que possible. Fin de citation de la parole de l'imam Si'adi, rahimahullah, ta'ala. Celui qui se trouve au milieu des gens du mal, au milieu des gens du faux, si un châtiment les atteint, il risque d'être touché par ce châtiment. Car lorsque le châtiment descend, il atteint toutes les personnes présentes, même ceux qui ne participent pas directement au mal et à l'injustice. S'il se trouve parmi eux silencieux, sans chercher à stopper cette injustice, à faire changer ce mal, alors il risque d'être atteint par ce châtiment. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah descend un châtiment sur un peuple, le châtiment atteint tous ceux qui se trouvent parmi eux. » Tous ceux qui se trouvent parmi eux, sans distinction. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam « Puis ils seront ressuscités selon leurs intentions. » Donc mes frères, ceci est un avertissement sévère. Un avertissement qui ne doit pas être pris à la légère. Aujourd'hui, nul parmi vous n'ignore le mal et la corruption présents dans nombre de pays mécréants. Les croyances sont corrompues. Le shirk, le polythéisme, la mécréance, l'athéisme sont présents de partout et en tout lieu et pratiqués ouvertement. Les mœurs sont corrompues. La turpitude est présente en tout lieu et les turpitudes sont pratiquées ouvertement. Et même maintenant, la nature humaine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les femmes, même cela, ils tentent de le corrompre et d'imposer cette corruption, sans même que l'on puisse condamner cela ou le réprimander ouvertement, au risque de passer pour un criminel ou quelqu'un qui appelle à la haine ou je ne sais quoi. Ajoutez à cela les attaques incessantes contre l'islam, contre la pratique de l'islam et contre les musulmans que l'on essaye de détourner de la pratique de leur religion afin de leur faire délaisser cette religion qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, qu'il incombe à chacun d'entre nous de tout faire pour s'éloigner de ces terres, s'éloigner de ces endroits de corruption et d'injustice, s'éloigner de ces endroits de mécréance et de polythéisme, et de s'enfuir et se sauver avec sa religion. L'écoute de ces hadiths, ça doit être pour toi un réveil. On ne doit pas rester dans l'insouciance. On doit se rendre compte de cette situation et craindre ce châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'empresser de faire les causes pour quitter ces terres, afin de ne pas être touché par le châtiment. Et même si aujourd'hui, tu as des empêchements ou tu as des difficultés, et que tu ne peux pas partir tout de suite, tu dois avoir cette bonne intention dans ton cœur. Et tu ne dois pas te complaire à vivre dans cette situation et à vivre parmi les injustes. Mais tu dois avoir l'intention véridique de quitter cette terre, et faire les causes pour quitter cette terre. Et si tu es sincère dans cette intention, alors sois persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et t'ouvrira des portes. Celui qui est sincère et qui a la réelle intention de se sauver pour préserver sa religion, pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis maint refuge et abondance. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Ceci est la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mes frères. Ne remettez pas en question la parole d'Allah. Ne doutez pas au sujet de la véracité et de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette promesse est véridique. Et nous avons vu de nos yeux cette promesse sur nombre de nos frères qui ont émigré et quitté les terres de mécréance pour les terres d'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, en plus de cette leçon à tirer, qui est la raison de la mention de ce hadith dans ce chapitre, qui est que chacun d'entre nous sera rétribué en fonction de ses intentions, il y a cet avertissement sévère contre le fait de rester vivre parmi les injustes et parmi les gens du faux. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: La hijrata ba'd al-fath. Il n'y a pas d'émigration après la conquête. Walakin jihadun wa niyyah. Wa idha stunfirtum fanfiru. Mais il reste la lutte et l'intention. Et lorsqu'on vous mobilise, alors répondez à la mobilisation. C'est-à-dire, lorsque le détenteur de l'autorité, le chef d'État, appelle son peuple a la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont alors dans l'obligation de répondre à cet appel, car répondre à cet appel devient une obligation individuelle. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit au sujet de ce hadith, muttafaqun alayhi, qu'il est reconnu authentique à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Au sujet de la première phrase, il n'y a pas d'émigration après la conquête, Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous l'explique et nous dit: wa ma'nahu la hijrata min Makkata li'annaha sarat dar islam. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émigration de la Mecque car elle est devenue une terre d'islam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il commence par dire: il n'y a pas d'émigration après la conquête. C'est-à-dire, après la conquête de la Mecque, il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'émigration. Et certaines personnes pourrait dire, ce hadith nous démontre que la hijra n'est plus obligatoire dans notre religion, comme l'a explicitement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Mais la réponse est ce que nous a mentionné Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala ici, que la hijra en question dans ce hadith est la hijra de la Mecque à Médine. Il n'y a plus d'émigration de la Mecque vers Médine, car la Mecque est devenue une terre d'islam. Il n'y a donc plus de raison d'émigrer de Mecca à Médine, car Mecca est devenue une terre d'islam. Quant à la hijra dans son sens absolu, elle reste légiférée et ce jusqu'au jour de la résurrection, comme nous le démontre un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: la hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera pas, et le repentir ne cessera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. Donc ceci nous démontre que la hijra, l'émigration, le fait de délaisser une terre de mécréance pour une terre d'islam, ceci restera une obligation pour cette communauté jusqu'au jour de la résurrection. Quant à la hijra de la Mecque à Médine, alors c'est celle-ci qui a été abrogée au moment de la conquête. Lorsque la Mecque était sous le contrôle des polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré avec ses compagnons radiyallahu anhum vers Médine. Et 8 ans après la hijra, il est revenu conquérir la Mecque et a été secouru et a obtenu la victoire sallallahu alayhi wa sallam. La Mecque est donc devenue une terre d'islam et il n'y avait plus de raison de quitter la Mecque pour Médine. Et les gens de science ont dit que ce hadith est une preuve que Mecca ne redeviendra pas une terre de mécréance, mais qu'elle restera une terre d'islam jusqu'à la venue de l'heure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de hijra, il n'y a pas d'émigration après la conquête. Donc Mecca restera une terre d'islam, bi'idhnillahi ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: mais il reste la lutte, c'est-à-dire il reste aux gens de la Mecque ceux qui n'avaient pas fait la hijra, qui n'avaient pas émigré. Il leur reste pour obtenir des récompenses et des hauts rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur reste également l'intention, c'est-à-dire la bonne intention, l'intention véridique de secourir la religion d'Allah et de lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec pour objectif que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit en commentaire de ce hadith, dans son explication de l'authentique de l'imam Muslim: cela signifie que l'obtention du bien en raison de l'émigration s'est interrompue par la conquête de la Mecque. Il y avait un grand bien dans la hijra de Mecca à Médine. Ceux qui ont émigré, Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans le Coran. Et ils ont un grand mérite, tous les compagnons qui ont émigré de la Mecque à Médine. Et ce bien-là, ce mérite-là, il s'est interrompu par la conquête de la Mecque. Et il dit ensuite, rahimahullah, mais ils peuvent l'obtenir par la lutte et la bonne intention. Puis il dit, rahimahullah, et il y a en cela un encouragement à avoir de bonnes intentions de façon absolue. Et il y a également en cela la preuve que l'on est récompensé pour l'intention. Voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'émigration après la conquête. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste la lutte sur le sentier d'Allah et il reste l'intention. L'intention de faire le bien. Tu dois toujours avoir dans ton cœur l'intention de faire le bien. Comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dans cette célèbre recommandation qu'il adressa à son fils, lorsqu'il lui dit: ô mon fils, aie l'intention de faire le bien, car tu seras toujours sur le bien tant que tu auras l'intention de faire le bien. Tant que tu as de bonnes intentions, tu seras sur le bien. Donc on voit, une fois de plus, l'importance de purifier nos cœurs, l'importance de préserver nos cœurs de toutes mauvaises intentions, et l'importance d'avoir toujours dans son cœur de bonnes intentions, car tu peux être récompensé pour ces intentions. Combien sont ceux à atteindre des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de la présence de ces bonnes intentions dans leur cœur? Et ceci ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, non. Celui qui dit: moi j'ai de bonnes intentions mais qui ne fait rien, celui-ci, on lui dit: ton intention est probablement mensongère. Car si tu as de bonnes intentions, tu vas œuvrer pour concrétiser ces intentions. Mais celui qui souhaite faire le bien et qui n'en a pas les capacités, que ce soit les capacités physiques ou les capacités financières ou autres parmi les capacités, mais qui a de bonnes intentions, celui par exemple qui est pauvre, mais qui aimerait, s'il était riche, construire des mosquées, prendre en charge des orphelins, financer le forage de puits, ainsi de suite. Il a réellement cette intention véridique dans son cœur que si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la richesse, alors il dépensera son argent et ses richesses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, même s'il meurt pauvre, il sera certainement récompensé pour ses bonnes intentions. Et on reviendra sur ce sujet de manière plus détaillée dans un autre hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce chapitre. Donc on conclut aujourd'hui en disant qu'il est nécessaire pour le croyant de vouloir le bien, de toujours avoir dans son cœur l'intention de faire le bien. Même si ce bien, aujourd'hui, il n'est pas encore à ta portée, tu dois en avoir l'intention dans ton cœur. À l'exemple de la hijra, il se peut qu'une personne aujourd'hui n'ait pas les capacités, pour diverses raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons financières, pour des raisons d'âge, pour des raisons administratives ou autres parmi les raisons. Mais cette personne doit avoir cette intention dans son cœur. Qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donné les capacités et qu'elle pourra accomplir cette noble adoration et se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle quittera les terres de mécréance pour les terres d'islam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la lecture des hadiths dans le prochain cours, inshallah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.